Les nouvelles des activités révolutionnaires du maréchal Kim Jong-un ont été rapportées dans divers pays. L'agence de presse russe TASS et l'agence de presse japonaise Kyodo ont présenté que le maréchal Kim Jong-un s'est fait photographier en souvenir avec les scientifiques qui ont contribué à la réussite à l'essai de l'explosion de l'ogive nucléaire. Le journal Alphan, Léon Page d'Internet de l'Association des journalistes et de l'Association des journalistes d'études des études jetées et de la politique de Sengun du Népal, ont donné l'inspection du maréchal Kim Jong-un de la nouvelle fabrique d'oxygène de santé, alors que le homepage internet de la filiale polonaise de l'Association d'amitié avec la Corée a fait part de son inspection du complexe d'arboriculture fruitière de Kosan. Les médias ont inséré les photos du maréchal Kim Jong-un.